grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Monteverdi et les Vêpres. Bonjour et bienvenue dans grand compositeur Claudio Monteverdi, l'Orfeo, tous ces morta, interprété par le ténor Rolando Villazzone, peut-être que vous l'avez reconnu, avec le concert d'Astrée, dirigé par Emmanuel Haïm depuis son orgue positif. La mort qui interpelle, qui inquiète, la mort qui effraie bien sûr, consolation de la religion pour ceux qui croyaient au ciel et intranquillité perpétuelle pour ceux qui n'y croyaient pas, mais ne le disaient pas. À l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu les mêmes termes, si vous voulez. Nous écoutions ici Orphée qui pleurait Eurydice et qui devait l'abandonner, lui dire adieu. Alors nous étions lundi avec Monteverdi à la Porte de l'Orient, ou plus exactement dans Venise, Porte de l'Orient. Hier, nous évoquions les voies d'une foi catholique, chrétienne, où la culture mariale est essentielle dans le monde de la contre-réforme. Demain, nous entendrons ces vêpres mariales, autrement dit, les grandes vêpres de Monteverdi, les vêpres à la Vierge Marie, et nous évoquerons d'autres chants à Marie vendredi. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller sur les pas d'Orphée. Thank you. La toccata de l'Orfeo de Claudio Monteverdi, c'était en 1968, c'était Nicolao Sarnoncourt qui dirigeait ici ces sonorités rauques, grinçantes hein, du Consensus Musicus. Alors pourquoi l'Orfeo et pourquoi Orphée alors que toute la semaine sur France Musique est consacrée à Monteverdi et les Vêpres? Eh bien nous tournons autour justement. Pourquoi? Dans Orphée, on y parle des limbes, on y parle des enfers, on y parle de la mort refusée, on y parle de l'autre monde, et puis de l'impossible. Or, finalement, les Vêpres de Monteverdi sont peut-être une réponse en religion et en musique à cet impossible-là. Et puis, autre raison, dans Orfeo, on commence par entendre la musique qui s'exprime. Et puis, pourquoi pas, troisième évocation, c'est ce par quoi nous commencions notre émission de lundi. La toccata de l'Orfeo, 1607, est reprise note pour note, enfin pratiquement, dans le tout début des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Alors, vous entendiez la version d'Arnoncourt en 1968, je vous le disais, c'est une façon rugueuse, rauque, âpre de nous faire entrer dans le drame d'Orphée. Quelques années auparavant, 1954, Arnoncourt n'était pas à la tête de son Consensus Musicus, mais il travaillait dans un orchestre sur instrument ancien, dirigé par un compositeur, Pauline de Mitte. D'ailleurs, petite parenthèse, dans quelques semaines, je proposerai une semaine entière consacrée au compositeur Pauline de Mitte. Mais ici, il est chef d'orchestre et il dirige quoi? Il dirige l'Orfeo de Monteverdi, justement. Pratiquement 350 ans après la création de l'Orfeo, qu'est-ce qu'il propose? Il propose ce que vous allez entendre. Tout est à réinventer à l'époque en 1954. Il utilise d'ailleurs une régale de 1556, ça s'entend. Et vous allez entendre la voix de la musique par Patricia Brinton. Thank you. Voilà, elle est en train de s'exprimer, la musique. Elle dit que c'est elle, la musique. C'est elle qui présente le drame qui va se dérouler. On le sait, ce drame, c'est celui de l'Orfeo. Drame, tragédie, comme vous voulez. En tout cas, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire entendre l'intégralité d'un des actes de l'Orfeo de Monteverdi. Nous étions ici avec, je vous le rappelle, Patricia Brinton, l'orchestre sur instrument ancien, dirigé par Pauline de Mitte en 1954. Orchestre dans lequel il y avait un certain Nicolaos Arnoncourt du côté d'un violoncelle baroque ou viol de gambe, comme vous voulez. Enfin, je ne sais pas exactement quel instrument il jouait en 1954, Arnoncourt. Ici, nous allons retrouver Arnoncourt, mais à la tête de son Concentus Musicus avec la Capella Antiqua de Munich dirigée par Konrad Roland en 1968. La Jos Cosma, Cathy Berberian, Nicolaos Simkowski. Nous sommes dans le troisième acte. Pourquoi ? Parce que le troisième acte, c'est celui des enfers. Et que là se pose véritablement le problème de l'inacceptable, le problème de l'invisible et le problème, finalement, de ce que l'on ne peut pas demander. Mais ce que vient demander quand même Orfeo, évidemment, vous le savez, il s'agit de la renaissance, de la résurrection d'Eurydice. La résurrection, on n'a jamais vu ça. Enfin, on le dit, si, il paraît, une fois, mais ce n'était pas Eurydice. Stagno, oltre quel fiume,

cornet, trompette naturelle, régal, enfin toutes sortes d'instruments que l'on dit maintenant d'époque. C'était les instruments du Concentus Musicus de Vienne, dirigé par Nikolaus Harnoncourt, avec la Capella Antiqua de Munich, que vous écoutiez à l'instant, dirigée par Conrad Ruland. Et puis, dans le rôle d'Orphée, la Jos Cosma, Cathy Berberian était ici l'espérance. Caron était interprété par Nikolaus Simkowski. Orphée finalement, hein, Orphée de Monteverdi, nous étions dans le troisième acte. Orphée, c'est un moderne Orphée, il va au-delà des limites, il les franchit, il les refuse, il les ignore, ses limites, il descend aux enfers pour... Pourquoi finalement? Pour apitoyer Pluton et Proserpine. Ça, c'est l'acte suivant, c'est le quatrième acte, le dernier. Mais il lui fallait d'abord soudoyer Caron, le convaincre, Caron, le gardien des enfers. Ce Caron, ce n'est pas un tendre, et finalement... C'est seulement le chant d'Orphée qui réussit là où les arguments, on pourrait dire, de la dialectique, hein, comme de la compassion, ne pouvaient qu'échouer. Si Orphée traverse la limite, pénètre enfin, maintenant, les enfers, c'est à son chant qu'il le doit, c'est à la musique, et le pouvoir de la musique ne connaît pas de limite. Alors on sait que l'Orfeo de Monteverdi a été créé pour le duc de Mantoue, il est... Tout à fait vraisemblable, par ailleurs, que les Vêpres à la Vierge, que nous écouterons demain et autour desquelles tourne toute notre émission de la semaine consacrée à Monteverdi, il est vraisemblable que ces Vêpres aient été d'abord une œuvre de cour, une œuvre destinée à la chapelle du duc de Mantoue, justement, Vincenzo Gonzague. Si vous voulez entendre en direct les Vêpres de Monteverdi, moi je vous conseillerais d'aller à Évreux le 10 octobre prochain. Ce sera à 17h à la cathédrale. Eh bien, il y aura l'ensemble Ludus Modalis dirigé par Bruno Botterf qui proposeront des visions des Vêpres très particulières. Une vision qui ne fait pas appel aux instruments concertants et qui, en cela, finalement, respecte bien les indications de Monteverdi. Il l'écrit lui-même hein, dans sa préface. La partition de ses Vêpres peut être jouée sans que les ritournelles ou parties instrumentales des psaumes soient là. Elles sont ad libitum. Alors voilà pour le parallèle, si vous voulez, entre le monde des enfers, entre Orphée, le monde d'Orphée, et les Vêpres de la Vierge. Mais il n'y a pas que Monteverdi dans la vie en Italie à l'époque. Thank you. Thank you. Biagio Marini, sonata terza per violini o cornetti, violon et cornet ici, une sonate de 1626, cela faisait déjà 13 ans que Monteverdi était installé à Venise, à la basilique Saint-Marc, à la tête de la Cappella Marciana, comme l'on dit, et cela faisait déjà 16 ans que Monteverdi avait commis, si l'on peut dire, ses vêpres pour la Vierge. Ici, vous écoutiez Biagio Marini avec le cornet à bouquin de Jean Tuberi et les musiciens de la Fenice, autrement dit au violon Enrico Parizzi. Il y avait aussi au clavecin ou à l'orgue, suivant les moments, Jean-Marc Hems. Je dis suivant les moments parce que juste auparavant, c'était une sonate concertante de Giuseppe Scarani et ensuite un passamezzo de Giovanni Picchi, tout à fait étonnant d'ailleurs parce que alors Jean-Marc Hems et au clavecin Jörg Andreas Bötticher, alors qu'au théorbe c'était Christina Pluart, enregistrée il y a une quinzaine d'années par l'ensemble La Fenice. Finalement, Orphée nous met forcément sur les pas de la musique et sur le pouvoir de la musique. Je vous propose de le retrouver, l'Orfeo de Monteverdi, mais je dirais enchâssé dans un certain nombre d'autres œuvres, œuvres signées Francesco Rasi par exemple, ou si Sigismondo d'India, également Giulio Caccini, mais Monteverdi est là, il sera là, vous l'entendrez, avec la voix du baryton Furio Zanassi, qui a consacré un disque entier, il y a un peu plus d'un an de cela, paru chez Naïve, à la voix d'Orphée, la voce di Orfeo. Eh bien le voici, Furio Zanassi, accompagné à la narration, s'il vous plaît, par Giulio Casatti, l'ensemble La Chimera, et dirigé de son théorbe ou de son luth, c'est selon, par Eduardo Eguez. Sospirasti. felicissimo il punto che la campi da mano pegno di pura fede a me. Se tanti cori avessi quanto chiel c'è d'eterno e quante chiore in questi colli aveni il verde maggio, tutti i colli sarieno e traboccanti di quel piacer che oggi mi fa. Acerbo in questa nostra etade, il fior d'ogni beltade. Piangete, o donne, e con voi pianga amore, e voi, cortesi amanti, volgete in doglie e in pianti i vostri risi, e con gli occhi e col cuore per quei due lumi santi sfogate il gran dolore. Poscia da noi sì tosto s'è partito quel spirto, in cielo e in terra alme gradito. Dove conforta dolore miei, se più pena provai laddove più gode. Thank you. Faccia il vostro raggio a me ritorno. Oh, mia luce, mia gioia, ben più è dolce il tormentar per voi che il gioire. Mia gioia. che il gioir per altrui. Ma senza mort io non potrò soffrire un sì lungo martire. E se io morrò, morrà mia spene ancora. Ti vederai tu si bel dì, l'aurora, tu si bel dì, mi ti toglie e mi dice mio bene che mi ti invola, oimè, cara degli occhi miei, luce pupilla, chi dunque del mio adore, chi dell'anima mia lasso mi priva, ah, che qui non veggio ch'alcun porga soccorso al dormire. Sull'alba delle delizie mie, delle mie gioie, cadde le tente l'estro dei mari. Misero e pur deggio, io pur deggio a morir, senza godere la celeste beltà del volto amato. Sole delle mie luci albo beato, dove hai, dove rimani e dove sei, specchio degli occhi miei, dove, dove sei gita, unico del mio cuor, spirito e vita. Tenebrose basso regno, principi eterni, a voi tartare nudi, a voi chiedo mercere. Diva di Sarde, ella velocemente corse a morte. Lasso, lasso, ti oro, e pur conviemmi te mio sol partire, senza mirarti e senza te. Precipitando allora l'onde nere del fiammeggiante capro flecce tonte. Ma che vaneggi Orfeo, così dunque disperi, così dunque ne peri? Oh, disperato Orfeo, dalla tua vita non più sperar. Aida, ai che ti lascio, lasso, già ti deprivo e casso, morro pur di dolore, vedo ma pria che sposo del mio bradato e sospirato amore. Ma così grave dolgiace nell'alma perderà giace a terra moribondo là. Tremando a ghiaccio freddo il viso è smorto, privo di moto, tramortito io ne. C'è il duolo il cuore già stanco e lasso. Mais tu délires, Orphée, ainsi tu te désespères, ainsi tu te meurs. Oh, Orphée désespéré, n'espère plus de ta vie obtenir de l'aide. Je te quitte, hélas, déjà séparé de toi. Je mourrai de douleur, je défaille et demeure tel un rocher immobile. Voilà ce que vous venez d'entendre chanter par Furio Zanassi, le baryton, avec l'ensemble La Chimera, dirigé de son théorbe ou de son luth suivant les moments par Eduardo Eguez. Vous étiez avec Sigismondo d'India, Queveggio Oime. Et auparavant, eh bien auparavant, il y avait du Monteverdi dans l'air avec le fameux Rosa del Cell, extrait de l'Orfeo de Monteverdi, toujours par les mêmes interprètes. Et nous écoutions aussi du Francesco Rasi, ainsi que du Marcantonio Gondi, du Sigismondo d'India, du Giulio Caccini. Toutes les références, vous les retrouverez sur le site internet de Grands Compositeurs, en passant par francemusique.com. Toute la semaine consacrée à Monteverdi et les Vêpres, et aujourd'hui particulièrement sur les pas d'Orphée. Ce disque est absolument sublime, on aurait envie d'en entendre plus. Il est paru, je vous le disais, il y a un peu plus d'un an chez Naïve, avec la voix de quelqu'un qui connaît bien son Orphée, Furio Zanassi. Il le qui connaît bien son Monteverdi. On le retrouvera d'ailleurs au cœur, je dirais, des solistes de la version que j'ai choisi demain de vous faire entendre intégralement des Vêpres de la Vierge. Et Francesco Rasi, que nous écoutions, était un des chanteurs les plus célèbres de l'époque. Hein. C'est lui qui a été le créateur d'Orphée, c'est lui qui chantait pour le duc de Mantoue et qui l'accompagnait dans ses voyages. Après tout, Francesco Rasi est allé à Vienne, à Spa, en Pologne, à Prague. Je me rappelle vous avoir parlé hier de Giovanni Valentini. Nous l'écoutions et vous avoir dit que Valentini était du côté de la Pologne, du côté de Graz. Vous voyez, ces Florentins ou ces Vénitiens qui voyagent, les Italiens sont partout, sur les traces de Claudio Monteverdi. Thank you. Le cornet de Jean Tuberi, le violon d'Enrico Parizzi, le théorbe de Christina Pluart, l'ensemble La Fenice pour cette œuvre signée Salomon et Rossi, une sonate en dialogue. Juste auparavant, eh bien, c'était Claudio Monteverdi, Venite Sicientes, une œuvre qui nous ramène du côté de 1624, alors que Alessandro Piccinini, qui suivait sa toccata, était composée l'année précédente. Vous voyez, nous sommes toujours dans ces moments notamment autour, je dirais, des années qui ont vu naître les Vêpres de la Vierge. Et puis 1613, c'était la date de composition de l'œuvre que nous venons d'entendre. Et c'est, je vous le rappelle, le 29 août 1613 que Monteverdi obtient la consécration, en quelque sorte, puisqu'il est nommé maître de chapelle de Saint-Marc de Venise. Deux œuvres de Salomone et Rossi tout à l'heure, c'était cette sonate en dialogue que nous écoutions avec l'ensemble La Fenice et le cornet de Jean Tuberi. Et à l'instant, eh bien, c'était la sonate sur l'aria di Ruggiero avec le cornet, cette fois de Matthew Jenjohn, et l'ensemble de la bande Montréal baroque dirigée par Eric Mines. Alors, bien sûr, puisque nous sommes sur les traces d'Orphée, il y a un moment où les choses se gâtent pour Orphée. Je dirais même, il y a deux moments. Chez Monteverdi, c'est le moment où il se retourne vers Eurydice. Chez Stefano Landi, c'est le moment où il est déchiré par les bacchantes. Cantate, 12 ans après que Monteverdi et Rinuccini aient fait se retourner Orphée dans Orfeo et fait en sorte qu'Orphée perde son Eurydice, Stefano Landi faisait mourir Orphée, la morte d'Orfeo. Ici, il s'agissait de Kobi von Rendsburg, qui, il y a quelques années, a laissé un superbe disque consacré aux œuvres qui tournent autour d'Orphée, justement. Et c'est le Lautenkompanie, accompagné par Wolfgang Katschner, que vous entendiez ici. Je vous propose, maintenant qu'Orphée est mort, si l'on peut dire, musicalement, d'aller du côté de l'émission qui demain va nous occuper, c'est-à-dire du côté de Saint-Marc de Venise, du côté des Vêpres de la Vierge. Alors, ce n'est pas Monteverdi que nous allons trouver, mais un élève de Monteverdi, quelqu'un qui a chanté à la Capella Marciana, sous le règne, si l'on peut dire, de Monteverdi. Je veux parler d'un compositeur qui s'appelle Giovanni Antonio Rigatti, et je vous propose ici son psaume « Nisi Dominus ». Thank you. Ne dites pas que dans cette œuvre, dans ce psaume Nisi Dominus signé Giovanni Antonio Rigatti, ne flotte pas comme un parfum de Monteverdi. Il faut dire que Rigatti, comme je vous le signalais tout à l'heure, était à la chapelle Saint-Marc, à Saint-Marc de Venise, au temps où, bien sûr, Claudio Monteverdi y enseignait encore. Et d'ailleurs, Rigatti a chanté sous la direction de Claudio Monteverdi. Ici, ce Nisi Dominus était interprété par deux falsettistes, David Hurley, Timothy Wilson, avec Peter Harvey également, les Gabrieli Consort and Players, dirigés par Paul McCreech. Et comme au commencement il y a Monteverdi, c'est d'ailleurs le titre du disque dont nous allons entendre ici des extraits, un extrait, au commencement Monteverdi, retour à lui. Et terminons aujourd'hui, si vous le voulez, notre émission là où nous la commencerons demain. Les Vêpres de la Vierge, oui, mais vues par deux violoncellistes, Natalia Chakovskaya, Sonia Wider-Atherton. Elles se répondent pour ce duo Séraphim. Mais que fait un duo Séraphim dans Les Vêpres de la Vierge ? Le duo Séraphim, revu par Sonia Wider-Atherton et Natalia Chakovskaya. L'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui, eh bien, il y avait Emmanuel Morse-Duncan, Michael Fontanias, Mehdi Ben-Romdan, Nicolas Lafitte et Agnès Catou. Demain, les Vêpres de Monteverdi en intégrale.